alizés aux voiliers, aux petits drapeaux de plage colorés. Mistral, chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets de coques, les jolies gambettes faire forger. Des filles ou des girouettes au perché, laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Simple va-et-vient, odyssée, traversée, le long des falaises, sillonnées. Vouloir les avant, les que sais-je, les après, souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons la bise caresser les mollets de coques, les jolies gambettes faire forger. Des filles ou des girouettes au perché, laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Que nos existences contiennent s'envoler. Laissons tout le vent enfermé. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. À l'époque, excusez-moi Gaétan, excuse-moi Gaétan, excuse-moi mon heureux. Allez, non mais écoutez, j'ouvre pas comme ça fermement devant rien. Là. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une introduction. Quoi? Une introduction. Par infraction? Par infraction. Moi là, je suis un voleur d'idéologie. Un autre voleur d'idéologie. Savez-vous que dans l'humour, à la mode, savez-vous que dans l'humour, à la mode, c'est Magnan. Qui? Magnan. Magnan. Ah oui. Et c'est une fois. Oui. Lui, il paraît que... J'ai déjà dit, là, je vais redire, il en pique, speak English. Eh oui, love me, speak English. Non, par exemple, là, il m'écoute. Il pourrait m'écouter, là. Puis, le lendemain, lors de son concert, à Whistler, à l'URSS. Whistler, RSS, ben oui. Où crois-tu que se trouve Whistler? Aux États-Unis? T'es-tu cinglé? Tu connais pas ta géographie, toi? Imagine-toi une tarte, ma tarte. Oui? Une tarte à la farlouche. Ah, mon, ça, c'est ma préférée. C'est juteux, c'est crémeux, c'est cuit à pointe. Non, à la farlouche. Farlouche, ah oui. C'est pas un... c'est pas un personnage de bande dessinée, farlouche. Non, mais on pourrait en créer un. Ce soir, sous nos oreilles. Non, sous nos yeux radiophoniques. Hey, ça, c'est bon, parce que nous sommes visuels depuis au moins... au moins 9 ans. Non, 8 ans. 6 ans? 2 ans? 1 an? Moi, j'ai un an d'âge mental. Donc, 1 fois 1 fait 1. Puis, comme je le disais tout à l'heure, à l'époque où j'étais d'époque... Oh. Et on pique aussi, là. Hein, le rythme, là, avez-vous reconnu, Mme Tremblay? Ah, mon Dieu, c'est mon Serge, c'est votre Serge. Serge Mergiane, Non, c'est pas ça. Non, c'est l'autre Serge. Serge Arène, non, Serge, là. Là-bas, il est là-bas. Non, oui, il est là-bas. Habillé en noir. Celui qui est dans. Qui a la tête dans la cuvette et qui dit. Non, ça c'est l'onomatopée. Comment? L'onomatopée. C'est humaniste de dire ça, là. C'est à l'encontre de toute structure intellectuelle. Il n'y en a pas de structure ici. Non, c'est vrai. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Nous autres, on aime ça quand c'est mou, c'est flasque. Est-ce que les femmes n'aiment pas? En général, regarde-toi, tu te laisses aller. Ben, on est marqué! Ah oui, mais t'es flasque. Ben, c'est normal, là. C'est la vie, le vieillissement de notre couple. Ben, voyons, au début, moi, j'allais m'entraîner deux fois par semaine. Puis en même temps, ben, j'amenais ton colimaçon. C'est pas un colimaçon, c'est un poisson bleu. Le poisson bleu, oh mon Dieu. J'allais faire promener ce poisson bleu. Il manque tellement de. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Il fume trop. Il manque d'oxygène quand on sort du pot. Ben, c'est normal. Ben non, lâche-moi la normalité. Là, j'en parle souvent à cette émission-là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Non, ça ne fonctionne plus. Je suis perdu. Oh non. Non, on la fait plus, celle-là. Mais oui, à l'époque où j'étais d'époque, là. Où je me promenais, fier à bras, dans mes bras. Je suis un des seuls, moi, à me promener dans mes bras. Ah oh, oui, je m'enrôle. Hey, toi, t'es tellement bon, mon jinx-bing, donc bing-bing. Allez, ça sonne. Dans l'écho, en écho, non, zwing, mon jinx-bing. Je voulais pas dire jinx-ding. Ben non, jinx-ding est mort. Jinx-ding est mort. Ding. La cloche a sonné. Il était KO au troisième round. Ah, oh, mort. Yeah, moi, je lui ai mentionné, hein. Quand tu montes sur une reine ou sur une scène, tu dois te préparer. Sinon, le prochain sera là pour t'anéantir, pour voir ta faiblesse, pour te catapulter en dehors de sa vie parce que tu es nuisible pour lui. C'est ça le minable. Le minable est l'être qui peut vraisemblablement, qui? Je l'ai pas connu, moi, là. Il est mort avant. Ah oui. Vraisemblablement, il a vécu 3 semaines. 3 semaines de traite. Ah, il était heureux, lui, là. Il se rappelait souvent. Il dit, ah, moi, vraisemblablement, là, j'ai eu de l'oxygène. 3 bulles d'oxygène par 24 litres d'eau. 24 litres d'eau, c'est pas beaucoup, là. Puis 3 bulles d'oxygène, pas de... Non, mais ça dépend de la bulle. Mais moi, c'est de la grosse bulle, là. Tu sais, la méga bulle. Celle qui se dit, si je pète, là, ça risque de creuser l'ozone. L'ozone? Pas un bar, ça, non, l'ozone. La couche. Ah, mon, quand je perce ma couche, moi, ah, 3 semaines à essuyer le plancher. Mais non, pas cette couche-là, non. Quelle couche? La couche d'ozone. Ozone. Je connais pas ça, moi, là. C'est une nouvelle maladie vénérienne. Je vais l'attraper récemment, prochainement, parce que je suis bien fort pour attraper tout ça, moi, là. Ah, le monde est mal propre. Moi, je suis A1 là-dessus, puis... Mais je choisis pas ma cible, puis... Il n'y a pas de choix à s'échoir, c'est n'importe où. Surtout dans les partants, dans les qui, dans la... Oui, dans la chaud. Ah ouais, quand t'es préparé, ça va. Mais quand tu es dans l'action, hein, quand tu es dans la fébrilité de la nouveauté, tu veux tout connaître. Hey, tu rentres, c'est moi. Ben, hey, attends un peu, toi, là. Attends un petit peu, là. On va essayer de te connaître. Ben non, on n'a pas le temps. Là, je suis un homme de... Non, un garçon de mon époque. Je suis pas un homme, je suis un garçon de mon époque. À l'époque, j'étais à l'époque de mon époque. Maintenant, je suis pas qui. Ah, je suis pas qui, moi, là. Oh, je n'ai jamais été un ancien gardien de but. Sauf que ma Maryse me lançait des assiettes. Elle dit, en train de jouer pour l'olympisme. Mais oui, mais ça sera jamais aux Jeux olympiques, ça, ma chérie. Ah, je suis pas ta chérie. Mais ma belle chérie, pas ta belle chérie. Ma belle, je suis pas ta belle. Ah, ben toi, ma petite enfant dans la prairie. Ma préférée d'entre tous. Ah, non, non, je n'ai pas la grippe. Oh non, mais tous maintenant. Oh, c'est facile, ça, là. C'est dans la... Ouais, dans le colibri. Dans le colimaçon de l'humour facile. Mais moi, au début, je suis très facile, puis après ça, je suis difficile. Ah! Je suis du genre à promener, à me dire, ah, comment la neige a neigé, pourquoi a-t-elle neigé? Il n'y a plus de givre. Selon Nelligan, il devrait en avoir. Puis là, j'ouvre sa page 48, à la page 48 de son recueil. Oui, il dit, si tu as laissé la fenêtre ouverte à 3 cm du respect, tu connaîtras un jour l'éternité. On comprend pas, mais c'est ça, on n'a rien compris non plus, là, ni les gaines de les gaines. C'est ta psychon. Et moi, l'intelligent devant la psychon, je suis comme devant tout ça, là. C'est nébuleux. C'est l'ombre au tableau. C'est lorsque je roule seul dans ma voiture, donc on est deux, il y a moi et puis ma voiture, et ça, on ne forme qu'un, là. C'est souvent comme le courseur automobile dans sa Formule 1. Mais moi, c'est Formule 66. Je roule là-dessus, là. Puis je mets mon... C'est quoi? C'est Ride Socks and the Boxes. Non, c'est In the Socks and the Seas. Deux socks and seas, en tout cas. Quoi? Trois socks and cerises. 10 moutons. 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 cadenas, 7 fourmis, 4 chats. Non, il en manque un. 6 cadenas, 5 fourmis, 3 chats. Oh, c'est madame. Gaétane, Gaétane, Gaétane, regarde-moi sur ma truffe. Ai-je l'air d'un nénuphar? Tu as l'air de quelque chose d'irrespectueux. À 3 h du matin, le samedi midi. Ben, si, mais non, si c'est 3 h du matin, c'est pas le midi. Oh, toi, là. Arrête de concentrer sur le mot et laisse-toi divaguer. Mais, hey, wow. Attends, je vais t'expliquer une petite chose. Tu te souviens de. C'est pas Robinson Crusoe, c'est Mark Twain. Oh oui, Mark Twain. Lui, il était connu dans les bars très souvent. Il avait les. Pourquoi on l'appelait Mark Twain? On l'a déjà mentionné à mon émission. Oui, mais il y a 20 ans, j'avais Mark Twain dans les doigts d'une femme. Parce qu'il levait les deux vers le haut. Là, le barman disait, ouais, Mark Twain. Non, c'est pas ça. C'est qu'il levait les deux doigts, puis là, le barman devait écrire deux consommations qui paieraient plus tard. Alors, Mark Twain. C'est pas ça du tout. Tu te mets, toi, là. Non, moi, j'ai les calamboles qui coulent. Ah, oh, ça coule plus, là. Ça purgette. Ah, mon Dieu, on va appeler le plombier. Mais on n'a pas le temps d'appeler. Ben oui, oui. Allô? À cette heure-là, voyons donc, oui. 20:00. Allô, le plombier? Et monsieur, il est sur la diesel, lui. Ah oui, la troisième. Fais-le plus endormi. Oh, excusez-moi. Allô, monsieur le plombier? Bon, on a un petit problème. Ben oui, c'est parce que on a un guignol ici, là. Ouais, c'est le guignol de service. Ben là, il est pas de grand service, là. Il est couché à terre avec le micro, puis il anime une émission de radio. C'est pas normal, ça, là, hein? Est-ce qu'on doit vous contacter ou appeler la police? Oui, OK. Amenez donc du renfort, on sait pas, là, 3-4 tuyaux, pour ça, quoi d'autre, donc une cuve. Très important, la cuve, on va l'embarquer là-dedans s'il il devient violent, parce qu'on sait jamais. C'est commencé des animateurs de radio, ça commence très relax, puis là, ça chante. Puis, ah, je chante, bonjour les petits copains, je chante, mets dans la main. Puis après ça, ben, c'est arrivé à des extrêmes. Où on peut les entendre réciter du Motorhead ou du Nirvana à l'envers. Mais c'est plus de l'anglais, ça, là. Ça, c'est posséder des Ramones. Là. On craint pour la vie des auditeurs et des auditrices. On se dit, c'est pas normal. C'est pour ça qu'on le garde ici et qu'on l'invite continuellement. Ça met de l'ambiance. Ça va la mer. Oh. Elle a appris dans. Non, mais la semaine dernière, elle a appris à danser le cha-cha-cha. Excusez-moi, je cherchais la poubelle. Non, mais c'est très. Non, j'ai pas dit la plus belle, j'ai dit la poubelle. Parce que j'avais un petit morceau à acheter, là. Moi, j'ai toujours des petits morceaux à acheter. Des morceaux de vie, des morceaux de souvenirs. Si on veut remplir notre imaginaire, il faut jeter des renseignements, quelquefois factices, comme « Oui, j'ai acheté la saucisse, ma chérie, mais toi, les pains. » Il dit « Mais non, toi, il n'y a pas de pain que... »« Oui, tu m'as dit « Achète de la saucisse, croyant moi-même que tu allais te procurer du pain. » Ben là, j'ai du pain béni. Béni par qui? Béni par l'épicier. L'épicier du coin. Ah, pas du coin. Ah, faut pas faire ça avec le coin. Je te conseille l'épicier de gauche. Oh, OK, parce que lui est préparé à tout. Lui, il sait comment ça fonctionne. Il est dans le milieu. Oh, ben non, mais s'il est dans le milieu, il est pas dans, à gauche. Hey, arrête-moi ça, toi. Lis ton introduction. Ah oh, oui, merci, madame. On va la lire. On est capable de lire encore. On a la lunette à pas prier. Et s'il vous plaît, priez pour lui. C'est qui, lui? Ben, c'est moi. C'est qui, toi? Ben, je sais plus, là. Je me prénomme... je ne sais pas. Parce que là, c'est gênant de se présenter après ça, là. Les gens ont cherché le décodeur, là, pas trouvé. Ils sont dans un environnement. Au-delà de la réalité. Ça ne plaît pas à tout le monde. Puis on s'excuse infiniment auprès de ceux que l'on froisse, comme le papier. Tu es comme le papier, mon frère. Tu es comme le papier. Trop chiffonné, trop vieilli par le conformisme. L'oiseau, oui. Tu es comme l'oiseau, les ailes coupées, tu cherches maintes fois à t'envoler, tu es comme le serpent, c'est quoi ça, c'est le serpent, hey, je veux faire comme la chanson de Prévert quand Yves Montand, mais tu n'es pas capable, monsieur le président, monsieur les patrons catholiques, madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Tu veux faire comme Yves, mais il n'est pas là. Il est démonté de voir ta réaction face à son œuvre. Ah, oh, mon, ou pas un autre. Comme Roland. Roland. Hiya! Monsieur, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Non, Magnan. Tu connais la Magnan? Mine. OK. Maintenant, on va faire. OK. Oui. On n'est pas au mois de mai. Oui, mais janvier. Oui, j'ai envie pas janvier parce qu'il fait froid puis c'est glissant là, hein? Moi j'ai mis le pied là puis ouais, je me suis coté. Oui, mais ça c'est pas c'est jeudi dernier, ok, en prison pour avoir, mais je l'ai pas frappé, mais il saignait, mais je l'ai pas tué. Ben voyons, c'était des tripes. Ben ouais, ben j'espère. Appelle mon déchireur d'argent, mon décapiteur. Ben voyons donc, t'es pas sérieuse. Puis mon poisson, il a pas été. Bon, ok, rassure-moi toi. Ok. Là, je dois te... OK. Ben oui, mais c'est ça, j'ai eu... Je dois te laisser... J'anime une émission. Voilà, c'est... Ben oui, je suis en... Tu m'entends? OK. On se rappelle. OK. Merci. OK. Ouais. Ouais. Ouais. Là, les gens s'imaginent que je parle à personne, là. Je vais te chanter la chanson tantôt. OK? OK. Bye-bye. Hein? Ouais, je prends une voix de dégénéré pour... parce qu'on est comme... tout pis mouille, hein? Non, on n'est pas... On est pow-pow. Oh, je pensais qu'on est... On était... Non, on est... Oh, monsieur. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire filmant improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif et voici le pitre qui change les chapitres. Tu parles trop vite. Hein? Oh oui, je vais relire au ralenti, excusez-moi. La je parle trop lentement, là. L'absurde aventure... OK, je vais faire comme... J'y vais. Je me lance. Rattrape-moi, ma belle Rita, toi, là. Hein? Arrête de cirer ton plancher, là. T'es belle quand tu cires. La cire chaud. Très chaud. Pas comme ton mari, là. Il a tombé hier à cause de ça, là. Hein? Lui aussi, il était sourd. Hein? La cire chaude sur un gossou, ça glisse. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Oh, à voir. Là, ensemble. Là. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier, Rénald Lenéant Gagné. Maître Lego. Merci. Aujourd'hui, le vendredi 17 janvier 2014, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions-le. Excusez-moi. Confions la boussole au gestionnaire de nos ondes. Hein? Non, c'est parce que moi, prendre la pause, c'est comme me reposer. Puis quand je me repose, moi, je ronfle. Et quand je ronfle, ben, je fais des sons. Et quand je fais des sons, ça sonne comme un petit cochon. Un petit cochonnet. Tire ta pétanque, tire ta boule, putain! Alors, confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Sappho. Sappho, de son vrai nom, Daniel Ebgui, est une artiste sort de ce corps. OK. Il est sorti. Il est sorti par là. Cours après! Cours, Gustin, cours! Il est parti! Ah oui, amène-moi ça ici, là. Rentre ça dans la cuve. On va s'en occuper tantôt. Quand ça sort de même, là. Alors, Daniel Ebgui est une artiste franco-marocaine née le 10 janvier 1950 à Marrakech. Chanteuse de plusieurs langues françaises, arabes, anglais, espagnol, hébreu. Elle a également sorti un livre de caricatures, sur les tables de la brasserie du quartier de Montparnasse, que je connais très bien lorsque je vais là-bas. La coupole. On parle pas des résidents de là-bas, là. La coupole, pas là-bas, Montparnasse, mais là-bas où l'émission est diffusée. Hein? Non, c'est pas de la moquerie, là. C'est pas Jean-Pierre Mocry? Non, c'est pas moi. Jean-Pierre Mocry, c'est lui, là. C'est l'humoriste là-bas, mais il veut pas me répondre. Ils sont prétentieux. Jean-Pierre Mocry? Mieux vaut Mocry que Mocky. Ça, c'est Mocky. Mocky adore les Québécois. Je comprends pas ce qui se passe, là. Je comprends pas. Mais c'est quelle langue, ça? C'est le français venant d'un coin en Amérique du Nord qui s'appelle le Québec. Le français Amérique du Nord, Québec. Hey! À un moment donné, votre général, bien gaulé, a dit « Vive le Québec libre! » Ensuite de ça, dont mon pendant cette coupole, en juillet 2013, Errance Renaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, s'il vous plaît. Ça, à un moment donné, je sais plus, il y avait une espèce de, tu sais, de téléphone, on faisait un réseau, on tombait sur des gens. Mmh. Moi, j'adorais foutre la zone dans ce truc-là. C'était des gens, en fait, c'était des trucs plus ou moins érotiques, mais j'adorais appeler pour dire. Minitel Rose. Voilà. Je dis allô, ici, machin. Et alors, on me disait, décrivez-vous. Alors, je disais, j'ai un cerveau. J'ai un sein plus haut que l'autre, j'ai un trou qui parle de... des trucs horribles. Alors je tombe sur un type aussi fou que moi qui s'appelait Le Hibou. Et Le Hibou, il me chante une chanson au téléphone. Je dis, mais tu chantes super bien. Il dit, oui, oui. D'ailleurs, et puis je commence à lui parler en québécois. Et là, il était mort de rire. Il venait du Québec, il m'a dit, mais c'est génial, mais comment tu... Je veux absolument te rencontrer et tout. Et il se trouvait que ce Hibou, c'était Hervé Christiani. À l'époque, il était inconnu au bataillon. Et avec Luciani, on se voit, etc. Et puis, il me dit, je vais chez Mireille. Je vais au petit conservatoire de Mireille. Un pari, tu te fais passer pour une Québécoise au petit conservatoire. Je dis, d'accord. Et là-dessus, je connaissais une chanson, tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux, ok, ouais, bien, toujours de cette vidéo. Tout le monde est malheureux, tout le temps. Et donc, et je raconte une histoire que plus ou moins j'avais entendu dire à Mignot. Je dis, un jour j'étais dans la grange avec mon père en train de peinturer la grange, je lui dis, je veux chanter, il m'a conseillé ma petite peinture, etc. Je lui raconte tout un truc, ça l'a fait tellement rigoler, ça l'intrigue tellement qu'elle me prend, alors que j'ai chanté comme un pied, tu vois. Et alors, je me dis, merde, je suis prise, que dois-je faire? J'étais québécoise pendant 15 jours. Mais encore aujourd'hui, on dit ça faut, la chanteuse québécoise. Non, il y a des gens qui savent que j'ai commencé comme chanteuse québécoise. Et donc, mon premier disque, je l'ai fait sous le nom d'une Québécoise. Louise Bastien. Louise, mais c'est bon, c'est bon. Et alors, et ensuite, bon, j'en ai eu marre de faire ce truc. J'avais un copain génial, mais je sais pas ce qu'il est devenu. Un chanteur, André Vaillancourt, tu n'as jamais entendu parler? Non. Oh, il était génial, ce mec. C'était un chanteur québécois, un vrai. Et qui écrivait des trucs que je trouve géniaux. C'est fou, hein, comme quoi, il y a des gens qui ont du talent. Ouais, et Bon. Et donc on était dans ce truc-là. Puis je me suis dit, mais c'est drôle, c'est génial. J'étais comédienne, je me dis, c'est génial d'être chanteur, c'est génial. On est son propre auteur, son propre metteur en scène. Ça m'a donné l'idée de chanter. J'ai dit à Mireille, je pourrais pas arrêter d'être québécoise, j'aurais perdu mon accent. Ah non. C'est complètement fou, hein. C'est complètement fou. Et du coup, je suis partie, voilà. Et je me suis dit, je veux faire du rock'n'roll. Ah, ne criez pas derrière moi comme vous. Hey, j'ai 10 questions, puis je te laisse aller avec ça. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, je serais du thé. Ok. Parce que ça te relaxe, ça te... J'adore le thé, je bois du thé. Parce que c'est chaud, c'est un moment de calme. Pour boire du thé, il faut prendre ouais, son temps. Parce que comme t'es quand même assez nerveuse, ouais. Il faut que tu... Mais tu sais, je suis nerveuse et en même temps, je peux être dans un truc. Okay, parce que là, t'es devant un micro, donc il faut que t'arrêtes, oui. C'est ça? Non, et aussi parce que... Non, mais voilà, je peux être très, très calme. Très, très... Heureusement pour ton cœur. Si tu étais une ville... Oh là là, je suis plusieurs villes. Moi, c'est je vrai, parce que tu as visité. Tu as été dans toutes les villes. Trop de villes. Non, je serais un mélange de Paris, Kyoto, Marrakech, Venise. Et Québec. Et Québec, bien sûr. Et Québec. Si tu... Pas Montréal. Non, Québec. Non, Québec, c'est toujours plus relax. Si tu... En plus, ça ressemble à du thé. Tu rentres dans la ville. C'est adorable. Oui, oui, puis tu rencontres des coins français. Il y a des vrais français. Personnes. Ah, puis, oui. puis j'aime les gens là-bas. Quoi. Je trouve, ils sont chaleureux. Ah, c'est ouais. Les gens aiment bien la France. Ils sont adorables et spontanés. Si tu étais une langue... Oh là, c'est pareil. Moi, je ne sais pas. Je serais une... La langue, bien sûr, une langue... Vivante. Une langue vivante. Une langue poétique, si possible. Le français, mais la poésie, c'est une langue dans la langue, alors. Ah oui, mais c'est ça, le jeu aussi, c'est le jeu de la langue. C'est le jeu de la langue dans la langue. Oui, oui, oui. Ouais. C'est presque un French kiss, bref. Si tu étais une époque... Oh là là. Non, la nôtre. La nôtre, hein? Ouais, la nôtre. Parce qu'elle est en mouvement... C'est une de ces nuits d'errance, un pari morne et convenu. Marche le mal jusqu'à la transe, on danse le cœur nu. Rien ne viendra, tu marches droit dans le mur d'un pas sûr. C'est une nuit noire, la ville plus sombre que Londres. En cœur la ville est mon état. Un monde amer et mal armé. Tu erres sans air et sans dessein. Les gens t'épèrent, rien ne sourit. Personne à reconnaître. Personne. La scène de suicider résonne. Garde tes chevaux, petit jeune homme. Un sans-abri te dira si. Tu fais partie des gens qui donnent du change. Le change dans le vieux Paris. Mais il danse avec la mort. Comme un funambule, un artiste, il peut casser sur le vieux port sa pipe. Tu marches droit dans la mer, tu marches droit dans les murs, tu traînes ton spleen avec élégance. C'est bien la seule chose que tu traînes comme ça. Tes yeux pris dans la transparence, ta peine, personne ne la verra. Ta peine. Personne ne la verra. Une de ces nuits d'errance, dans ce Paris tu te mets nu. Dans un lit de bazar te fiance à toi-même au premier venu. Quelqu'un viendra qui marche droit, droit dans le mur d'un pas sûr. Te dire un mec, j'ai trois copecs, prenons un drink au new morning. Garde tes chevaux, petit jeune homme, un sans-abri te dira si. Tu fais partie des gens qui donnent du change, le change dans le vieux Paris. Mais il danse avec la mort, comme un funambule, un artiste. Il peut casser sur le vieux port sa pipe, pipe. Mais il danse avec la mort, comme un funambule, un artiste. Il peut casser sur le vieux port sa pipe. C'est une de ces nuits d'errance. Il dort dehors, libre de lire et pris d'effroi. La liberté n'est pas un lieu sans peur. tu marches sur le même trottoir, belle qui va à ton casting, et toi serré dans ton costume avec du vent dans ta cravate, tu marches sur le même couloir. Il dort dehors, par tous les temps. La femme est nue, tout le monde s'en fiche, le monde en a vu d'autres, le monde a vu d'autres fétiches. Seul notre petit cœur est pauvre, il dort dehors et il est riche. Tu ne sais même pas à quel point. Mais il danse avec la mort, mais il danse avec la mort. Comme un funambule, un artiste, funambule, un artiste. Il peut casser sur le vieux, casser sur le vieux port. Ça pipe, ça pipe. Tu marches sur le même pavé, toi jeune homme plein de violence. Et toi la fille qui veut flamber, toi petite sœur de souffrance. Lui, il a tout abandonné, donné, donné. La ville est trempée, je ne le suis pas encore. La nuit me laisse pâle dans la coque d'un oreiller. Je pense à toi. J'ai couru après la bohémienne pour lui donner des pièces inégales et semblait tout avoir. J'aurais voulu sa part. On nous fait peur, la rue est crue, mais on n'y paie pas de facture. Ces papiers froids qui tuent le temps, qui font ta vie inhabitable. Inhabitable. Qui font ta vie. De Limoilou à la Louvre, on n'y trouve que de l'inconnu. Nu face à la nuit, tu ne fuis pas, tu affrontes et tu cognes à la charogne. L'urbanité fait son effet. Je crois que ce n'était pas vraiment la véritable consonance. C'est vrai, on recommence. De Limoilou à la Louvre. Comment? De Limoilou à la Louvre, on n'y ouvre que dans l'inconnu. Nu face à la nuit, tu ne fuis pas. Tu affrontes et te cognes à la charogne. L'urbanité fait son effet. C'est un peu mieux. Merci. On autorise tout le temps, là. On peut pas ne pas comprendre. Ça dépend. C'est vrai, ça dépend. J'ai un autre texte. Vas-y. Au casting, seul dans son string, elle cherche la lueur de la faveur. Mais il ne veut que le feu, jamais assez fort, de son corps. Animal, animal, qui lui fait mal. Ah, c'est vrai, il y a deux fois le côté fauve, hein? De Limoilou à la Louve, on n'y ouvre que de l'inconnu. Nu face à la nuit, tu ne fuis pas. Tu affrontes et te cognes à la charogne. L'urbanité fait son effet. Hein? Alors, Louve. La Louve. Ça, c'est la femelle du loup. La louve, la louve, la louve est entrée par Paris. Non, c'est les loups. Ben oui, mais là, ben, pour ce soir, c'est le féminin qui l'emporte, comme toujours. Et à la fin de notre vie, nous le saurons. Mieux vaut le connaître maintenant, là, c'est moins ébranlant. quoique j'ai entendu dire d'un poète ou un penseur ou un philosophe. Oui. Que si. Attends un peu. Si. Oui. Si le si bémol en mon dos est trop mou. Molle? Non, si le si bémol est trop mou. Oui. Ouais, ouais. Il n'y a que du palmier qui tombe. Non, c'est pas ça. Si vous brassez un arbre, les fruits risquent de tomber. C'est à peu près ça. Merci. Deuxième texte avec un animal. Au casting, seule dans son string, elle cherche la lueur de la faveur. Mais il ne veut que le feu jamais assez fort de son corps. Où tu vois l'animal là-dedans, toi, là, là. Faveur, vœu, feu, mais je n'en ai pas. Quoique, c'est comme la mouche. Oui. La mouche à feu. C'est là-dessus. Mais il n'y a pas le mot mouche, le mot feu. Ben, c'est ça. C'est un continuum. Ah, mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ben, homme, continue homme. Continue femme, ça existe. Ben, ça existe aussi, là, mais ce soir, c'est un continuum. Et monsieur, excusez-le, car il ne sait plus ce qu'il fait. Ah! Je la connais, celle-là. Là. Ça a eu un grand succès. Oui, au théâtre napolitain, en Italie, devant du salami et de la salamande. Quoique la salamande était un peu absente. Car c'était le soir où il y avait bridge, le bridge, là. Tu connais ça, le bridge? Mais là, je me demande si ça se joue avec des cartes ou avec un jeu comme le Monopoly, le Scrabble. Vous savez que Elvis Presley a eu un grand succès avec le Scrabble? Mais pas vraiment, ou une chanson? Love me Scrabble, love me through. Oh mon Dieu! Oh my graceful Phil! Un fil à l'endroit, un fil à l'envers. Et voilà le découvert. Hey, arrête. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Sarbukovski. La langue m'a collé au palais. Je n'ai pas voulu mettre autant de colle à la prothèse et que ma bouche me prothèse. Du mal. Et surtout, du ridicule. Mais ça, les mots le font. Et c'est vrai, hein? Vous l'avez remarqué? Ah! Mon petit numéro 1, on veut pas te le mentionner, mais ça va très bien vers le bas. Merci. Quoi, je me fais des tunnels là-dedans. Hein? Le but, c'est de jamais se frapper au noyau. C'est zigzaguer comme la fourmise. Hein, la cigale et la fourmise, mais là, moi, c'est juste la fourmise. Ils sont des millions à creuser, les fourmises. Ça travaille fort, ça, là. Quoique les mouches aussi. Non, c'est pas les mouches, c'est les abeilles. La petite reine qui a pout, pout, dans les alvéoles. Pout. Sa mission, c'est faite pout. Elle fait des pout, pout, pout un peu partout. Puis les autres, les travailleuses, là, les ouvrières, ils sont même pas, syndiqués. C'est épouvantable. Comment une abeille ne peut pas travailler sans syndicat? Donc, elle sent pas la pression. Elle dit si j'arrive pas à mes fins, ben ils vont m'éliminer. C'est comme ça dans ce milieu, avec le dard, là, pff, fini. Tout speak l'escrime. Non, c'est quoi? C'est l'escrime. OK. Alors, ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le de suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et je vous rappellerai que lorsqu'on fait une émission, il ne faut pas sortir à l'extérieur pour faire pipi ou petit pipi. Quoique j'ai un petit pipi chien qui fait wouf wouf wouf. Et quand je le sors à l'extérieur pendant une chanson, il ne faut pas rentrer à l'intérieur puis faire le reste de l'émission parce que les gens vont se dire « Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? » Mais c'est parce que il n'était pas habillé en conséquence. Il faisait moins 43, puis lui, il sait pas ça. Il a du poil, puis moins 43, c'est rien pour lui. Mais quand tu es en pyjama... Et prêt aux petits dégâts radiophoniques, tu veux pas te placer dans un costume hivernal. Quoique Rénal se veut anti-traditionnel, anticonformiste, anti-tout. Non, je suis anti-tout, moi. Tout se passe, je suis anti-tout. Alors, la phrase de Bukowski, c'est « Danforth suspendait les corps un par un après les avoir passés dans l'essoreuse. » Il semble que c'est une phrase qu'on comprend depuis très longtemps. On comprend pas, mais on l'a dit. On l'a dit, oui, mais la fin ne sera pas la même, vous allez voir. Parce que l'essoreuse, ce soir, est brisée. Alors, on appelle le professionnel de l'essoreuse. Là, on le réveille. Parce qu'il est tard. Reparateur, es-tu là? Hello. Oh, Reparateur. Hello. Oh, t'es un soumis, toi. Hello. Eh oui, mon petit soumis, ça va bien, toi? Hello. Hello. On a un vrai, il va nous... Je suis sûr que ça va être du bénévolat. Alors, on te réveille, peut-être? Oh, pauvre petit père, ça va bien? Bon, tu écoutes l'émission Irrationnelle? Menteur. Qu'est-ce que je disais il y a 3 semaines? Hein, il y a 3 semaines, qu'est-ce que je disais? Bon, t'es triste, hein? Non, t'es comme en dehors de tout ce qui se passe. Oh, t'es décontenancé. Tu sais plus ce qui t'arrive, toi, là, hein? Ben oui. Veux-tu qu'on appelle l'ambulance? Bon, hey. Tu sais quelle heure il est, là? Bon, tu sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas, hein? Es-tu membre de CQRL? Bon. Es-tu certain que t'es pas membre de CQRL? Oh, ça va mieux, toi, là? Hey, tu peux-tu venir nous voir? Bon, on a un petit problème. Moi, je vais t'expliquer le cas. Si ça te dérange pas, là. Est-ce que ça te dérange? Tu peux nous le dire, hein? Non. OK. Bon. L'autre avant moi, là. Non. Oui, oui. Ben, pas avant, mais l'autre pendant moi. Non. Non. Comment ça, t'es-tu au courant, toi? Non. Ben, pourquoi tu rétorques de la négative? Tu subitudes du chef. Non, c'est quoi ça? L'émission du jeudi avec M. Barry. C'est le chef, oui, OK. Le chef s'en va en chair, migrant-terre. Le chef s'en va en guerre, marmotte ne revient pas. L'épineur du chef, l'opineur, opiné. Écoutez-vous ça, l'opineur du chef? Vous manquez quelque chose. Cette émission-là existe depuis 500 ans. Cet animateur-là, là, c'est un homme qui a vécu 3 guerres mondiales. Et j'ai vu, moi, des bombes tomber sur ce gars-là, puis il chantait. Je chante les petits matins. Je dis, voyons donc, toi. Monsieur Barry, vous êtes miraculé. Mais il dit, ben oui, mais écoute, la radio, c'est KRL, ça nous amène ailleurs. Puis on s'apitoie plus sur notre sort. On est des gens qui rendent les autres heureux. C'est important, ça, là. Rendre les gens heureux. Gérard Lenormand, il en a rendu des spectateurs, des spectatrices heureux, heureuses, avec « Notre vieille terre est une étoile, toi aussi, tu brillais un peu. » Ça peut... Je veux te chanter la balade des gens heureux. Je veux te chanter la balade des gens heureux. On y va, on continue. Toi en dehors de ta balustrade, tire-toi en bas, tu riras mieux. J'ai tiré en bas le malade. Voyons donc, c'est une chanson. Je vais te chanter la balade. L'ambulance, on demanderait à l'ambulance de venir. La balade des gens heureux. Toi qui es membre de CKRL, regarde tes ailes, tu voleras mieux. Comment? Toi qui es membre de CKRL, prends tes ailes, tu voleras mieux. Qu'est-ce que tu fais? Voleras mieux. Tu voleras mieux. On t'entend. Non? On va te chanter la balade des gens heureux. C-H et C-O. C'est pas art, là, le cœur. Les deux. OK. Si tu étais un aliment. Un aliment? Un aliment. Un aliment. Ben moi, je disais aliment, mais là, les gens faisaient... c'est comme la chanson... Ah, oui, j'ai entendu aliment, tu sais. Oui, OK, aliment, aliment. Alors, aliment, qu'est-ce que je serais? Une coquille Saint-Jacques. Si tu étais une saison. Oui, c'est pour ça que je te disais ça. Le début de l'été. OK, printemps. Le début de l'été. Pourquoi? Parce que ça commence à être chaud, mais pas tout à fait. Et ça, ça ben là, actuellement, c'est la chenille. Là, c'est rien. On n'a ni printemps ni rien. Si tu étais un membre corporel. La main. Pour écrire, pour faire, pour caresser, pour caresser, pour fabriquer. Si tu étais un moment de la journée, et là, je sais que ça a été compliqué de te rencontrer en matinée, donc... Le crépuscule. Oui. Ouais. Une fille de... En fait, t'es une fille qui te couche tard. Oui. Et la tombée du jour, j'aime beaucoup. Le crépuscule, ouais, j'aime beaucoup. Ce moment entre deux. Affichez-le. Voilà. Si tu étais un autre individu... Ah là là, je ne sais pas ce que je serais, mon Dieu. Je pense que je ne suis pas capable d'imaginer d'être dans un autre individu. Tu es bien avec toi, moi. Oui, je pense que je... Merci. Je pense que... En plus, ce serait faux de dire quelque chose comme ça. J'ai rencontré des gens merveilleux, comme Stéphane Hessel, qui était une merveille, et qui, un jour, d'ailleurs, me dit... quand je le rencontre, il dit « Ah, ça faut !» Je dis « Ah, c'est Vanessa !» Et en fait, je croyais qu'il me reconnaissait parce qu'il m'avait vu. Mais non, on s'était croisés avant qu'il soit connu pour son livre, dans quelque chose qu'on avait fait à Sarajevo. Ah oui ? Ouais, il avait fait... Il faisait partie d'un mouvement qui s'appelait Solidarité Laïque. Ok. Et c'était beau, hein, comme titre. Et c'est une association merveilleuse qui fait des choses merveilleuses. Et j'avais été dans cette chose-là. J'avais chanté pour eux et il était là. Voilà. Stéphane Hessel, je ne voudrais pas être Stéphane Hessel, mais il y a des gens comme ça que j'aime, qui est mort récemment. Quand même à 95. Oui, ça va, il a vécu une belle vie, oui. Une très belle vie. Oui, et il a même fini ses jours en écrivant un pamphlet qui a fait lever le monde. Le oui. monde. Alors ça prouve que tu peux être à 95 ans, rebelle, encore frais dans ton idéologie. Oui, il était dans cette idée qu'il fallait se lever, en tout cas. Ben oui. Même si il savait très bien qu'il pouvait y avoir de la confusion autour. Mmh. Voilà. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Que lui? Non, que toi. Que toi. Oh, j'ai fait quelques erreurs. Est-ce que c'est au niveau artistique, au niveau amoureux? Non, alors au niveau amoureux, bizarrement, ça s'est pas trop mal passé. J'ai eu énormément d'échecs, de trucs, de galères. Mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un avec, au bout de toutes ces galères avec qui je me suis entendue. Donc... Days of winter, I can't hold on to all the days of my youth. All the graces of love are over now for you. For me, all the white that's inside in the morning mist, in the crystal air, I fill up my lungs.

bref, sur le quai, tu in. Après quoi, chez KO, tu out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cash-box. Moitié bouillon, ensuite moitié gin. J'ai mini, carbure pas au mazout. C'est extrême, mon pauvre. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Glycérine, cet opus, Palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, et à foule pour les petits gars de Liverpool. Et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes, ou sinon je te renvoie à ta science-fiction. problem, problem. Je pense que c'est... On est parti ici. C'est là que ça se passe. Oui, je pense que j'ai fait des erreurs. Par exemple, figure-toi, que j'avais refusé de jouer dans un film de Prince. The Prince? Oui, le film, le seul. Okay. Parce que c'était un petit rôle. Okay. C'était quoi? Je sais pas, il m'avait demandé. C'était pour un petit rôle. C'est un trop petit rôle, je veux pas. Juste parce que t'étais pas au devant de la... Oui, c'était ridicule. Mais comment lui t'a connu, Prince? Je sais pas. Il avait une équipe française. Il avait demandé... voilà, et on m'avait... J'étais assez folle. De toute façon, j'étais très... À quelle année, ça? C'était dans les années 80. Ah oui, ok. T'étais encore dans ta grande mode de tennis. Ouais, voilà. Mais non, sinon, franchement, non, je regrette pas. Non, je crois que c'est un parcours difficile. Et en ce moment, il est particulièrement difficile. Mais je crois que je n'aurais pas pu faire autrement. Je crois que j'avais une éthique qui m'empêchait de faire autrement. Mais pour un artiste, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Mais c'est le travail constamment jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, ouais. Il n'y a pas de retraite. Non? Non. Est-ce que ça t'attriste? Parce que tu voudrais peut-être te retirer, être dans ton jardin, t'amuser avec... Alors écoute, tu sais... Je pense que de toute façon, je travaillerai jusqu'au bout. Hein. Peut-être pas au même rythme que tu vois, mais je travaillerai jusqu'au bout. Je me connais, et tous les artistes que je connais, ils travaillent jusqu'au bout. C'est peut-être plus dans l'écriture, dans quelque chose de plus tranquille. Peut-être. Mais déjà, il y a un retrait. Déjà, j'écris plus, ou je peins plus, etc. Non, mais je travaillerai jusqu'au bout. Alors, tu as encore cette diversité, tu as encore cette courbe-là, cette plante? Ben, je n'arrive pas pour l'instant à me dire « Ah là là, je suis fatiguée, je ne veux pas le faire, etc. » Où tu prends ton énergie? Dans le faire. Dans la création? Dans la création. C'est-à-dire que si on propose une aventure de dans la curiosité, en fait, je me dis « Qu'est-ce qui va se passer ?» Toujours là. Malgré autant... autant d'années de carrière, tu veux être étonné par les propositions. Ah oui, sinon c'est pas intéressant. Non, sinon j'arrête. Non, il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit intriguant, il faut que ce soit nouveau, il faut que ce soit... Et puis de toute façon, tu sais, comme vraiment, la scène, par exemple, ça ne peut être que nouveau. On n'est jamais sûr. On peut chuter. Je veux dire, ce risque de chute... C'est en soi un vertige qui est beau, quoi. C'est ça la vie, c'est d'être au bord de chuter, quoi. Et de rester. Et de tenir parce qu'on tient dans la justesse de ce qui se passe, quoi. Parce que dans la concentration de ce qui se passe. Et d'être dans cet élan, dans cette chose, sur un pied comme ça, mais de ne pas tomber. Malgré cette prise de risque. Voilà, ouais. La création, c'est oui. C'est ça. Il n'y a rien de plus beau, je veux dire. Il n'y a rien de plus beau. Mais on est dans un monde très sombre, très difficile. C'est toi qui essaies d'amener la lumière, c'est ça? Yeah. I get such a pain right over here. These are little town blues. They have all melted away. I am about to make a brand new start of it. Right there in old New York. Your bippy baby. If I can make it there, you know I'm gonna make it just about anywhere. Come on, come through New York. Yes. portals of their consciousness. They're calling to you. d'abord un coup, puis trois autres. On vous laisse entrer seul, parfois même accompagné. Une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent. Décorés de bronze ou baroque, dans doré, la folie et le Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre. Dans les colonnes du lit, de style rococo, sont des nègres portant des flambeaux. Entre ces esclaves nus, taillés dans les belles, qui seront les témoins muets de cette scène? Tandis qu'au plafond, miroir nous réfléchit. Lentement, j'enlace mélodie. Des rideaux se cachent les assassins, mais les plis de ton corps sont plus dangereux encore. Tu me prends par la main, tu promènes mes phalanges, et nous dérangeons les anges endormis sur ce chemin. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, cœur fait le Jacques, bijoux est dans la vis de l'escalier de service. Elle vient frapper à la porte de ma vie de cloporte. Et même si elle me propose ce que durent les roses, ben je troque mon bouquin pour le lit à baldaquin. Tu viens chez moi, tu m'enfumes, tu me traites de vieux légumes, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le Jacques. De service, elle vient frapper toc toc toc dans ma vie de cloporte. Dans mon petit licage, tu m'apportes des oranges avec cette allure étrange qui fait parler les voisins. Tu mets ton doigt sur l'œilleton, tu me traites de vieux crouton. Tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou. Mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait de Jacques. Et sous les couvertures, j'alterne les lectures. Un poème d'Edgar Poe avec celui de ta peau. Cette fois je fais ma prière et je fume la dernière au genou de mon bourreau en pleurant comme un veau. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots. Tu mets le feu à la chambre, tout est réduit en cendres. De ma vie de hibou, il ne reste rien du tout. Mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le Jacques. Mais c'est un drôle de monde. Enfin, c'est vrai que là, tout de suite, et je trouve que ça s'est assombri. Je sais pas pour toi, je me rends pas compte, mais vers où on s'en va, tu crois? Comment? Vers où on s'en va? Alors, ce que je me dis, il y a plusieurs solutions. Enfin, donc cette, y a, on est dans cette un peu, on peut, il y a un scénario qui peut être un scénario catastrophe, à savoir la guerre, parce que on est comme dans une espèce d'avant-guerre. Alors, peut-être que la guerre moderne ne prendra pas la même tournure que la guerre que nous avons vécue. Peut-être que nous nous protégerons de cette guerre dite mondiale, mais qui existe quand même dans tous ces pays où il y a de la guerre, dans les pays pauvres où il y a de la guerre. Et nous, nous sommes en train de nous appauvrir. Donc, voilà, il y a cette peur de la guerre. Et il y a la barbarie ordinaire. Et qui a des solutions à trouver, quoi. C'est-à-dire, il y a des vraies questions. Et moi, j'ai envie, je serais, si je pouvais, si j'avais un pouvoir, je voudrais, par exemple, rassembler tous les experts, tous les gens qui sont capables d'une vraie expertise. Les penseurs. Mais et des gens désintéressés, parce que s'ils sont désabusés, aussi. Non, désintéressés, okay. Parce que s'ils sont intéressés. Leur pensée va être tordue. Okay. Non, je parle des gens qui, en tout désintérêt, vont imaginer quelque chose d'un peu, d'un peu juste. Rassemble, oui. Oui, d'un peu raisonnable, oui. À faire. Mm. Moi, je suis pas capable. Mais crois-tu que les artistes sont le dernier recours pour amener un soleil éventuel, pour non, amener mais l'harmonie, l'artiste, la l'artiste, il est de toute façon, bien sûr, il amène déjà le soleil ici et maintenant. Il y a une chanson merveilleuse andalouse qui dit « Profitons de la vie une heure au moins ouais. ». Alors, et puis aussi, on sait que dans les camps de concentration, les gens se disaient des poèmes pour survivre et ils allaient au concert. Les Noirs dans les rizières chantaient des chansons. Voilà, il y a dans, à chaque fois, moment terrible, l'art est là. L'art surgit de toute façon et c'est, ça nous permet de survivre. Mais l'art n'est pas une solution. Je parle sans. C'est une nécessité absolue, mais c'est pas une solution. Et la solution est à trouver. Il faut la trouver. Écoute, on se laisse sur 3 points de suspension. Voilà. Et on se voit sur scène éventuellement à Québec. Oui! S'il vous plaît, Jean du Québec, invitez-moi! C'est votre tour de vous dire, mais c'est aussi à travers ta poésie, à travers tes livres. Oui, absolument. Je serais ravie de venir faire des lectures. Il y a beaucoup de choses à faire. Et même des expos, je serais enchantée de le faire. Ça faut, tu es extraordinaire. Merci à toi, Rénal. Merci de toi. Merci de toi. Heureux de t'avoir vu et revu. Je te connais depuis les années 80 et t'as pas changé. Oh, c'est merveilleux. Tu exagères. C'est vrai, t'as pas changé. T'es aussi vivace, aussi éclairé et aussi brillante. J'essaye. Voilà. Ouais, en tout cas, merci à toi de ton écoute. Ouais, ça fait plaisir, ça fout. Voilà. À la revoyeuse. À la revoyeuse. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh